Chapitre 11e. Newman voyait toujours avec assez de régularité ses amis les Tristram, bien que Madame Tristram prétendît qu'il la délaissait pour de plus hautes connaissances. Tout allait fort bien, tant que nous n'avions pas de rivaux. Nous valions mieux que rien, lui dit-elle un jour. Mais à présent, vous êtes à la mode. Vous avez 3 invitations à dîner par jour, et vous nous reléguez dans un coin. C'est même fort généreux à vous de venir nous voir une fois par mois, et je m'étonne que vous n'en soyez pas encore à nous envoyer votre carte dans une enveloppe par la poste. Quand vous en arriverez là, faites faire des cartes bordées de noir. Ce sera pour la mort de ma dernière illusion. » C'est de ce ton moqueur que Madame Tristram raillait ce qu'elle appelait le cynique oubli de Newman. Elle plaisantait, cela va sans dire, car le brave Américain était d'une constance exemplaire dans les relations avec ses amis de l'avenue d'Iéna. Mais ses plaisanteries avaient toujours je ne sais quoi d'ironique, de même qu'il y avait toujours un peu de moquerie dans sa gravité. C'est à elle que Newman devait être lancé dans ce grand courant parisien, qui aujourd'hui l'emportait si rapidement. Mais cette rapidité ne semblait lui plaire qu'à demi. Elle avait trop bien réussi. Elle avait joué son jeu avec trop d'adresse et aurait voulu pouvoir battre de nouveau les cartes. Newman lui avait dit quelques jours après son entrevue avec Madame de Saint-Tré « Je suis satisfait de votre ami. » Et quoique le mot ne fût pas romanesque, Madame Tristram n'avait pas eu de peine à s'apercevoir de la force du sentiment qu'il exprimait. Newman l'avait prononcé d'un ton bref, mais doux et plein d'expansion, en rejetant sa tête en arrière avec un regard à demi voilé, d'une telle éloquence que le doute n'était pas permis. Elle aurait dû, par conséquent, être enchantée de le voir éperdument amoureux de celle dont elle avait si souvent chanté les louanges. Et voilà que le bonheur contenu qu'il laissait percer sous son calme apparent avait pour effet d'éteindre l'ardeur dont elle-même avait semblé animée quelques mois auparavant. Elle critiquait Madame de Saint-Tré et priait son amie de bien comprendre qu'elle ne la lui donnait pas pour un modèle de toutes les vertus. En apparence, elle semble plus parfaite que les autres femmes, mais vous vous rappelez comment Shakespeare appelle Desdémone, une vénitienne rusée, archi-rusée. Eh bien, Madame de Saint-Tré, elle aussi, est une parisienne rusée. Charmante femme, ayant tous les mérites, je vous l'accorde, mais rusée, méfiez-vous. Madame Tristram devenait-elle donc jalouse de sa chère amie d'au-delà les ponts? Et en cherchant pour Newman l'idéal d'une épouse, avait-elle trop compté sur son propre désintéressement? Peut-être. En tout cas, la petite américaine de l'avenue d'Iéna avait, moralement, un invincible besoin de changement. Douée d'une vive imagination, portée par moments à prendre le contre-pied de ses croyances les plus chères, et cela avec plus d'ardeur que de réelles convictions, on aurait dit qu'elle se fatiguait des idées justes. Je me hâte d'ajouter qu'elle se fatiguait également vite des idées fausses. Au milieu de ces mauvaises humeurs inexplicables, Madame Tristram avait cependant des éclairs inattendus de raison et de bon sens. Et quand Newman lui apprit sa demande formelle de la main de Madame Saint-Tré, répétant en quelques mots ce qu'il lui avait dit et en grand détail ce qu'elle avait répondu, elle l'écouta avec le plus grand intérêt. « Mais au bout du compte, conclut Newman, il n'y a pas là de quoi me féliciter, ce n'est pas une victoire. « Je vous demande pardon, » s'écria Madame Tristram, « c'est un vrai triomphe. Comment elle ne vous a pas imposé silence dès le premier mot ?» et défendu de jamais reparaître devant elle, c'est là un admirable résultat. Je ne vois pas cela. Naturellement, vous ne voyez pas. Le ciel vous préserve de comprendre. Lorsque je vous conseillais d'aller droit à votre chemin et d'agir selon l'inspiration du moment, je ne me figurais pas que vous avanceriez si vite. Demander en mariage une femme après 5 ou 6 visites, est-ce que jamais j'aurais pu supposer rien de semblable? Qu'avez-vous fait jusqu'ici pour lui plaire? Vous êtes tout bonnement resté assis, et Dieu sait avec quelle gaucherie, dans son salon, en la regardant fixement, et cependant vous lui plaisez. Cela n'est pas encore prouvé. C'est tout vu. Qu'en adviendra-t-il? Voilà ce qui reste à savoir. L'idée que vous lui demanderiez ainsi sa main, sans plus de cérémonie, ne lui était pas encore entrée dans la tête, je vous en réponds. et vous ne pouvez vous imaginer ce qui s'est passé en elle pendant votre petit speech. Si vous l'épousez jamais, vous serez aussi injuste à son égard qu'on l'est généralement envers toutes les femmes. Vous croirez la bien juger, et ne soupçonnerez jamais cependant par quelle étrange succession de sentiments elle aura passé avant de vous accepter. L'autre jour, tout en froissant cette branche d'azalée, elle se lançait résolument. Elle se disait « Pourquoi pas ?» quand le matin même, l'idée seule de la tentative lui semblait inconcevable. Elle discutait mentalement mille et mille préjugés et traditions accumulées par les siècles et regardait en face les conséquences d'une mésalliance. Quand j'y songe, quand je pense à Claire de Saint-Tré et à tout ce qu'elle représente, la chose me semble admirable. En vous engageant à tenter l'aventure auprès d'elle, je pensais, cela va sans dire, beaucoup de bien de vous et, malgré mes griefs, je pense encore de même. Mais je ne vois pas, je l'avoue, qui vous êtes, en définitive, et ce que vous avez fait pour mériter une telle faveur de la part d'une telle femme. Eh, la chose est admirable, vous avez raison, se contenta de répondre Newman avec son bon rire franc en répétant les paroles mêmes de Madame Tristram. Ce fut immédiatement après cette conversation que Valentin de Bellegarde vint chercher Newman pour le conduire rue de l'université et le présenter aux autres membres de sa famille. « On vous connaît déjà de nom, lui dit-il, et nous avons commencé à parler de vous. Ma sœur a fait part à ma mère de vos visites successives, et j'ai parlé de vous comme d'un Américain immensément riche, le meilleur homme du monde, et à la recherche d'une femme vraiment supérieure. Pensez-vous que Madame de Saint-Tré ait répété à sa mère notre dernière conversation ? Je suis sûr que non. Elle ne prendra conseil que d'elle-même. En attendant, tâchez de vous faire bien voir du reste de la famille. Je me résume. Voici votre signalement. Une immense fortune gagnée dans le commerce, de légères excentricités et une admiration non dissimulée pour notre chère Claire. Ma belle-sœur, vous vous rappelez l'avoir vue, n'est-ce pas, lors de notre première visite ? Et paraît-il très éprise de vous. Elle vous a décrit comme ayant beaucoup de cachets, et ma mère est curieuse de vous connaître. Elle espère bien rire de moi, hein ? Elle ne rit jamais. Si vous ne lui plaisez pas, n'espérez pas gagner ses faveurs en l'amusant. Tenez-vous averti. » Une demi-heure après, Valentin introduisait Newman dans un appartement de l'hôtel de la rue de l'Université qu'il ne connaissait pas encore, le salon de la marquise Douairière de Bellegarde. C'était une vaste pièce, très élevée de plafond, avec des moulures massives, d'un blanc gris autour des panneaux et de la corniche, des portières et des meubles en vieille tapisserie fanée, mais soigneusement raccommodés. Sur le parquet, un immense tapis de Smyrne, à nuances claires, encore doux et moelleux, malgré sa respectable antiquité. Sur un large châssis recouvert de soie rouge, les portraits des trois enfants de Madame de Bellegarde à l'âge de 10 ans. Le salon n'était éclairé que pour une réunion intime, par une demi-douzaine de bougies placées çà et là, à une assez grande distance les unes des autres. Dans un fauteuil près du feu, une vieille dame vêtue de noir. À l'autre extrémité du salon, une autre dame, que Newman reconnut pour la jeune belle-sœur de Valentin, assise au piano et jouant une valse à la mode. Newman s'avança vers la marquise Douairière et, présenté par Valentin, échangea avec elle une poignée de main. Il entrevit un visage ridé, blanc et délicat, avec un front élevé, une petite bouche et une paire d'yeux bleus au regard froid, qui avait conservé toute la fraîcheur de la jeunesse. Madame de Bellegarde le toisa d'un rapide coup d'œil, lui rendant sa poignée de main avec une sorte de sécheresse anglaise tout à fait digne d'une fille du comte de Saint-Dunstan. Quant à la jeune marquise, elle cessa de jouer et sourit aimablement à Newman pendant que Valentin lui baisait la main. « J'aurais dû vous voir déjà, » dit Madame de Bellegarde. « Vous avez fait à ma fille plusieurs visites ?»« Oui. Madame de Saint-Tré et moi, nous sommes maintenant de vieux amis. »« Vous avez été vite. »« Pas si vite que je voudrais, » fit-il bravement. « Oh, vous êtes ambitieux. »« Oui, je l'avoue. » Leurs regards se rencontrèrent. On aurait dit deux adversaires cherchant à mesurer leurs forces. « Je suis très ambitieuse, moi aussi, » répondit Madame de Bellegarde après un instant de silence en détournant les yeux. Newman comprit à quelle femme il avait affaire. Une femme formidable, insondable. Elle ressemblait à sa fille tout en étant absolument différente. Madame de Saint-Tré avait bien ce même teint délicat, ce front élevé, ce nez aristocratique, mais avait quelque chose de plus gracieux et de plus séduisant. Sa bouche surtout ne ressemblait en rien, heureusement, aux lèvres à la fois grasses et pincées de sa respectable mère. « C'est la femme des conventions et des convenances », se disait-il en la regardant. « Son monde est le monde des décrets immuables. » Madame de Bellegarde avait un petit capuchon de velours noir noué sous le menton et s'enveloppait dans un vieux châle de cachemire rouge. « Vous êtes américain ?» reprit-elle bientôt. « J'ai vu plusieurs Américains dans ma vie. »« Il y en a en effet beaucoup à Paris, » répondit gaiement Newman. « Ah, vraiment ?» C'était en Angleterre ou ailleurs que j'ai vu ceux dont je parle, mais pas à Paris. Ce devait être aux Pyrénées. Il y a de cela bien des années. On dit les Américaines jolies. Une de celles-là était charmante, en effet. Un teint merveilleux. Elle avait une lettre d'introduction auprès de moi de je ne sais plus qui, et me l'envoyait avec un mot de sa main. J'ai gardé longtemps ce billet. Il contenait des phrases si singulières que je les avais apprises par cœur. Mais je les ai oubliées, il y a si longtemps. Depuis, je n'ai jamais reçu d'Américain. Je crois que ma belle-fille en connaît. C'est une coureuse, elle voit tout le monde. À ces derniers mots, la jeune marquise s'approcha avec un froufrou de soie, en jetant des regards préoccupés sur le corsage décolleté de sa toilette de bal. Singulier mélange de laideur et de beauté, les yeux à fleur de tête et les lèvres trop rouges, elle rappelait à Newman son amie Mademoiselle Nioche. « Voilà bien ce qu'elle voudrait être, » pensait-il, « c'est tout à fait son idéal. » Valentin de Bellegarde suivait sa belle-sœur en sautillant à droite et à gauche pour ne pas marcher sur la traîne de sa robe. « Vous n'êtes pas assez décolleté par derrière, » lui dit-il du ton le plus grave. « Autant vaudrait porter une collerette montante et en peser que ce corsage. » La jeune femme tourna le dos à la glace de la cheminée et regarda par-dessus son épaule pour vérifier l'assertion de Valentin. La glace ne reflétait qu'un dos nu. La marquise, cependant, passa ses deux mains derrière sa taille et tira sur son corsage de façon à le baisser encore. « Est-ce bien ainsi ? » demanda-t-elle. « Un peu mieux, » dit Valentin, toujours grave, « mais ce n'est pas encore ça. » « Oh, vous savez, je ne donne jamais dans les extrêmes. » Et s'avançant vers sa belle-mère. « Comment donc m'appeliez-vous tout à l'heure, madame ?»« Coureuse. Mais je pourrais vous donner d'autres noms encore. »« Coureuse. Quel vilain mot. Que signifie-t-il » »« Il signifie une très belle personne, » dit Newman en anglais. « Ah, voilà un charmant compliment, mais une bien mauvaise traduction, » répondit la jeune marquise. Elle le regarda un instant. « Dansez-vous ? Jamais. Vous avez tort. » Et jetant un second coup d'œil à son dos dans la glace, elle s'éloigna. « Aimez-vous Paris ? » reprit la marquise Douairière, qui évidemment se demandait de quoi on peut parler à un Américain. « Oui, assez, » dit Newman. « Et vous, madame ? » ajouta-t-il d'un air aimable. « Oh, moi, c'est à peine si je le connais. Je connais ma maison, je connais mes amis. » « Je ne connais pas Paris. Vous perdez beaucoup. Je vous plains de tout mon cœur. » Madame de Bellegarde le regarda étonnée. C'était probablement la première fois qu'on se permettait de la plaindre de son sort. « Je suis satisfaite de ce que j'ai, » répondit-elle avec dignité. Il eût été sans doute de bon goût de la part de Newman de répondre que ce contentement de son hôtesse était tout à fait naturel, qu'elle possédait en effet beaucoup de choses fort enviables. Mais à ce moment-là même, ses yeux erraient autour du salon, des hautes fenêtres à petits carreaux aux vieux pastels jaunis suspendus le long des murs, et les paroles expirèrent sur ses lèvres. « Eh bien, chère mère, » demanda Valentin, en s'approchant et s'appuyant contre la cheminée, « que pensez-vous de mon cher ami Newman ? Vous l'ai-je mal dépeint ? N'est-ce pas un excellent garçon ?» « Ma connaissance avec M. Newman ne remonte pas bien loin, et je n'ai pu apprécier encore que son extrême politesse. » Ma mère est grande connaisseuse en ces matières, dit Valentin Newman. Si vous lui plaisez, c'est un vrai triomphe. J'espère arriver quelque jour à vous plaire, madame. Je n'ai rien fait encore pour cela. N'écoutez pas mon fils, dit la vieille dame. Il vous induira en erreur. C'est une pauvre tête sans cervelle. Oh, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il vous amuse, hein? Oui, énormément. Vous entendez, Valentin. Vous amusez, monsieur Newman. Peut-être en viendrons-nous tous là, s'écria le jeune homme. Je désire vous présenter mon autre fils, reprit la marquise. Il vaut mieux que celui-ci. Mais il ne vous amusera pas, lui. On ne sait pas, on ne sait pas, murmura Valentin. Du reste, nous verrons bientôt. Voici monsieur mon frère. Le marquis de Bellegarde venait d'entrer dans le salon. Valentin alla vivement à sa rencontre et, lui prenant le bras, l'amena devant Newman. « Je vous présente mon excellent ami, monsieur Newman. » « Je serai enchanté de faire la connaissance de monsieur Newman, » dit le marquis en saluant très bas, mais sans tendre la main. « Seconde édition de la vieille dame, » pensa Newman en saluant aussi. « Mon frère m'a parlé de vous, » continua monsieur de Bellegarde, « et comme vous êtes reçu chez ma sœur, il était temps pour moi de vous rencontrer. » Il se tourna alors vers sa mère, et s'inclinant respectueusement, toucha sa main des lèvres, puis prit une pose étudiée devant la cheminée. Avec son visage long et maigre, son nez fortement arqué, ses petits yeux sans transparence, ses favoris blonds et soyeux et sa large fossette au milieu du menton, il avait l'air d'un Anglais pur sang. Il était distingué jusqu'au bout des ongles, et chaque mouvement de sa belle personne perpendiculaire était noble et majestueux. Newman ne s'était jamais trouvé en présence d'une semblable incarnation de l'art de se prendre au sérieux. Il était presque tenté de se reculer, comme on fait pour mieux juger de l'ensemble de la façade d'un grand édifice. « Urbain, » dit la jeune madame de Bellegarde, qui sans doute attendait son mari pour la conduire au bal, « je vous prie de remarquer que je suis habillée. » « Vous faites bien de l'en prévenir, » murmura Valentin. « Je suis à vos ordres, cher ami, » répondit le marquis. « Seulement, vous me permettrez bien de causer quelques instants avec M. Newman. » « Oh, si vous allez dans le monde, que je ne vous retienne pas, je suis sûr que nous nous rencontrerons de nouveau. Et puis, si vous désirez causer avec moi, je serai heureux de vous fixer un rendez-vous, » dit Newman, impatient de prouver qu'il était prêt à répondre à toutes les questions. M. de Bellegarde, toujours debout devant la cheminée, se caressant de la main les favoris, jeta sur lui un regard observateur malgré l'insignifiance apparente de son sourire. « C'est fort aimable à vous de vous mettre ainsi à ma disposition, » dit-il. « Si je ne me trompe, vos occupations vous rendent le temps précieux. Vous êtes ce que nous appelons dans les affaires. »« Dans le commerce ? Oh non, pas pour le moment. J'ai jeté les affaires par-dessus bord. Je suis ce que nous appelons loafing. J'ai tout mon temps à moi. »« Ah, vous vous êtes donné un congé, » répliqua M. de Bellegarde. « Loafing, oui, j'ai déjà entendu cette expression. »« Monsieur Newman est américain, » dit madame de Bellegarde. « Mon frère est un grand ethnologiste, » s'écria Valentin. « Ethnologiste ? À vous collectionner des crânes de nègres et autre chose du même genre ?» Le marquis lança à son frère un coup d'œil sévère, puis s'adressant à Newman avec sa même politesse bienveillante, « Vous voyagez pour votre plaisir ?» « Je vais un peu partout, voyant et étudiant les choses intéressantes. Naturellement, j'en tire un grand plaisir. »« Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus ?»« Tout m'intéresse. Je n'ai pas de préférence. »« Si ce n'est peut-être pour les manufactures. »« C'était votre spécialité ?»« Pas plus qu'autre chose. »« L'important pour moi était de réaliser la plus grande fortune possible dans le plus court espace de temps. » Newman prononça ces dernières paroles d'un ton délibéré. Il désirait faire naître l'occasion d'un compte-rendu imposant de sa fortune, si cela était nécessaire. « J'espère que vous avez réussi, » dit M. de Bellegarde avec un sourire aimable. « Oui, je suis devenu riche dans un temps raisonnable. Et je ne suis pas trop vieux, comme vous voyez. » « Paris est la ville par excellence pour dépenser sa fortune. J'espère que la vôtre vous procurera toutes sortes de plaisirs. » Monsieur de Bellegarde, tout en parlant, avait commencé à mettre ses gants. Newman, pendant un moment, regarda, sans rien dire, ses doigts effilés glisser dans le chevreau blanc. Il n'était pas irrité, et les airs protecteurs de ce marquis ne l'intimidaient pas. Seulement, il se sentait en présence des obstacles contre lesquels Valentin l'avait prévenu qu'il aurait à lutter. Il en comprenait la puissance, et désirait frapper un coup décisif, se montrer sous son vrai jour, tel qu'il était réellement, et par sa franchise mettre Monsieur de Bellegarde au pied du mur, en le forçant de se déclarer son ami ou son ennemi. « Paris est la ville par excellence, vous avez raison, dit-il, pour les gens inoccupés ou pour ceux dont la famille est depuis longtemps fixée. Comment ne se plairait-on pas là où l'on est entouré de ses parents et de ses amis, dans une belle et grande maison comme celle-ci, avec sa femme, ses enfants, avec sa mère et sa sœur, et tout ce qui rend la vie heureuse et confortable ? Quant à moi, je ne suis point habitué à ces appartements où l'on vit porte à porte avec des gens inconnus, comme dans une hôtellerie, et cela m'est insupportable. Et puis je ne sais pas rester à rien faire. J'essaie, mais sans y réussir. C'est contre mon tempérament. Mes habitudes commerciales sont trop profondément enracinées. Ensuite, je n'ai ici ni maison à moi, ni famille. Mes sœurs sont à 2000 lieues de Paris. Ma mère est morte, tandis que je n'étais encore qu'un enfant, et je n'ai pas de femme. Je voudrais en avoir une. Ainsi, vous le voyez, je ne sais trop que faire de moi. Je n'ai pas de goût pour les livres comme vous, monsieur, et je suis fatigué de dîner en ville et d'aller à l'opéra. Ma vie active me manque. Vous comprenez, j'ai commencé à gagner mon pain dès le berceau, pour ainsi dire. Et je n'ai jamais cessé de travailler jusqu'au printemps dernier. Mes élégants loisirs me semblent difficiles à employer. Ce discours fut suivi d'un profond silence. Valentin, les mains dans les poches, regarda fixement l'orateur pendant quelques instants, puis, doucement, sans bruit, se glissa hors du salon. Le marquis continuait de mettre ses gants, en souriant avec bienveillance. « Vous avez commencé à travailler dès le berceau ?» s'écria tout à coup la marquise Urbain. « Presque. J'étais bien jeune, du moins. »« Vous dites que vous n'avez pas de goût pour les livres, » dit Monsieur de Bellegarde. Pour être juste, vous devriez ajouter que vos études furent interrompues de bonne heure. C'est vrai, car à 10 ans, je cessais d'aller à l'école, et j'en étais si fier. Mais rassurez-vous, ajouta Newman, depuis j'ai recueilli quelques bribes d'instruction. Vous avez des sœurs? Demanda la douairière. Oui, 2 sœurs. 2 femmes admirablement belles. J'espère que pour elles, les rigueurs de la vie n'ont pas commencé si tôt. Elles se sont mariées toutes jeunes, si c'est là ce que vous entendez par les rigueurs de la vie. L'une d'elles a épousé le propriétaire de la plus grande maison de caoutchouc en Amérique. Ah, vous faites aussi des maisons en caoutchouc. Et on les allonge à mesure que la famille augmente, murmura la jeune marquise en train de s'envelopper d'un long châle blanc. Newman éclata de rire. Il expliqua que son beau-frère habitait une grande et belle maison de bois, mais manufacturait du caoutchouc en quantité colossale. Mes enfants portent des chaussures en caoutchouc pour aller jouer aux Tuileries quand le temps est humide, continua la marquise. Je voudrais bien savoir si elles sont fabriquées chez votre beau-frère. Très vraisemblablement, dit Newman. Et dans ce cas, vous pouvez être certaine qu'elles sont bien faites. Allons, il ne faut pas vous décourager, observa M. de Bellegarde, avec une vague urbanité. « Oh, ce n'est pas mon intention. J'en tête un projet qui me donne beaucoup à réfléchir. Cela m'occupe. »« Oui, » continua-t-il après un moment d'hésitation et de réflexion rapide, en s'adressant à la vieille Madame de Bellegarde, « j'ai un projet. Et je veux vous demander la permission de vous le confier. Peut-être pourrez-vous m'aider. Je voudrais me marier. »« C'est une excellente idée, mais je ne suis pas faiseuse de mariage. »« Ah ?» « Je l'aurais cru, » s'écria Newman avec un air de parfaite sincérité. Madame de Bellegarde parut le trouver un peu trop sincère. Elle murmura quelque chose en français entre ses dents et les yeux fixés sur son fils. À ce moment, la porte du salon s'ouvrit toute grande et Valentin entra vivement. « J'ai une commission pour vous, » dit-il à sa belle-sœur. « Claire vous prie de ne pas partir encore pour le bal, et vous y accompagnera. »« Claire ?» s'écria la jeune femme. « En voilà du nouveau. » Elle a changé d'idée, et s'est décidée il y a une demi-heure. Je l'ai quittée attachant le dernier diamant dans ses cheveux. « À quoi pense donc ma fille ?» demanda sévèrement Madame de Bellegarde. « Depuis 3 ans, elle ne va plus dans le monde. » Et tout d'un coup, elle prend une semblable résolution, en une demi-heure, sans me consulter. Elle m'a consulté, chère mère, il y a 5 minutes, et je lui ai dit qu'une si charmante femme, vous verrez quelle radieuse beauté, ne devait pas s'enterrer vivante. Il fallait un assez clair à votre mère, mon frère, observa le marquis en français. Votre conduite est vraiment étrange. Jugez tous, s'écria Valentin, la voici. Et courant vers la porte, il prit par la main Madame de Saint-Tré, qui l'amena jusqu'au milieu du salon. Elle était vêtue de blanc, mais un long manteau bleu, retenu aux épaules par une agrafe d'argent et tombant jusqu'à terre, la recouvrait presque tout entière, laissant voir seulement une partie de son corsage et ses admirables bras. Dans ses épais cheveux blonds, une douzaine de diamants scintillaient. Newman la trouva sérieuse, un peu pâle peut-être, mais terriblement belle. Il put la contempler à loisir, car une fois au milieu du salon, elle s'arrêta quelques instants, paraissant hésiter sur ce qu'elle devait faire. Mais quand ses yeux rencontrèrent ceux de Newman, elle sourit en lui tendant la main. Elle s'approcha ensuite de sa mère, qui n'avait pas quitté son fauteuil, et entr'ouvrit son manteau pour lui montrer sa toilette. « Comment me trouvez-vous » dit-elle. « Je vous trouve audacieuse. Il y a 3 jours, je vous demandais comme une faveur personnelle d'aller chez la duchesse de Lusignan. Et vous me répondiez, je ne vais nulle part. Il faut être conséquent avec soi-même. L'êtes-vous aujourd'hui? Pourquoi choisir justement le bal de Madame de Robineau? À qui voulez-vous donc plaire ce soir? À moi-même, chère mère, se contenta de répondre Madame de Saint-Tré qui, s'inclinant, la baisa au front. Je n'aime pas les surprises, ma sœur, surtout quand je suis sur le point de partir pour le bal, dit Urbain de Bellegarde. Ici, Newman eut une véritable inspiration. « Oh, si vous entrez dans un salon avec Madame de Saint-Tré, vous n'avez pas à craindre qu'on fasse attention à vous. » Monsieur de Bellegarde se retourna vers sa sœur avec un sourire trop accentué pour être naturel. « Vous apprécierez, j'espère, lui dit-il, un compliment qui vous est adressé aux dépens de votre frère. Allons, partons, madame. » Il offrit le bras à Madame de Saint-Tré et l'entraîna hors du salon. Valentin fit de même avec la jeune marquise, qui, tout en ayant l'air de trouver la toilette de sa belle-sœur beaucoup moins réussie que la sienne, n'était rien moins que rassurée sur les résultats de la comparaison. Au moment de sortir, elle se retourna avec un sourire gracieux du côté de Newman, cherchant probablement dans les yeux de l'Américain une approbation consolante, et en y apercevant un certain éclat mystérieux, elle se flatta sans doute de l'avoir obtenu. Restée seule avec la douairière, Newman se tint quelque temps devant elle sans parler. « Votre fille est admirablement belle, » dit-il enfin. « Elle est bien étrange, » dit Madame de Bellegarde. « J'en suis heureux, » répliqua Newman en souriant. « Cela me donne un peu d'espoir. »« Qu'espérez-vous donc ?»« Qu'elle consentira quelque jour à m'épouser. » La vieille dame se leva lentement. « C'est réellement votre projet, alors ?»« Oui. Le favoriserez-vous »« Le favoriser ?» Madame de Bellegarde l'examina un moment, puis secouant la tête. « Non, » dit-elle doucement. « Eh bien, le souffrirez-vous ? Le laisserez-vous s'accomplir ? Vous ne savez pas ce que vous me demandez là. Je suis une vieille femme orgueilleuse et entière dans mes opinions. Moi, je suis très riche. » Madame de Bellegarde fixa ses yeux sur le tapis. Newman se disait que la brutalité de sa réponse l'avait probablement froissée, blessée. Mais elle releva la tête et se borna à cette question faite du ton le plus simple. « Quelle fortune avez-vous ? » Newman donna le chiffre de son revenu. Chiffre déjà respectable en dollars et qui convertit en francs semblait inouï. Il ajouta quelques détails financiers, complétant d'une façon plus que suffisante l'exposé de sa colossale fortune. Madame de Bellegarde l'avait écouté en silence. Vous avez parlé franchement, dit-elle quand il eut fini. Je ferai de même. J'aimerais presque mieux vous favoriser que vous subir. Ce me serait plus facile. Quelles que soient vos conditions, je vous serai reconnaissant, répondit Newman. Mais quant à présent, vous m'avez subi assez longtemps. Au revoir, madame.